il part pour l'Espagne. À l'issue de sa préture, le sort lui départit l'Espagne ultérieure. Mais retenu par ses créanciers, il ne s'en délivra qu'après avoir donné des cautions. Et sans attendre que, selon l'usage et les lois, le Sénat eût réglé tout ce qui concernait les provinces, il partit soit pour échapper à une action judiciaire qu'on voulait lui intenter à l'expiration de sa charge, soit pour porter plus promptement secours aux alliés, qui imploraient la protection de Rome. Quand il eut pacifié sa province, il revint avec la même précipitation et sans attendre son successeur, pour demander à la fois le triomphe et le consulat. Mais le jour des comices étant déjà indiqué, l'on ne pouvait tenir compte de sa candidature, que s'il entrait dans la ville en simple particulier. Et lorsqu'il intrigua pour être affranchi de la loi, il rencontra une forte opposition. Il fut donc forcé de renoncer au triomphe pour n'être pas exclu du consulat.